un podcast Studio Dilettante. Les chroniques de l'inframonde. On a décidé de monter une maison d'édition indépendante. Et on vous explique comment faire. Hors série de l'été. À la rencontre des nouvelles maisons d'édition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série consacré aux genèses des maisons d'édition. Aujourd'hui, on rencontre Julie Pommier, fondatrice de Edifice Édition. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, je suis hyper contente d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler d'Edifice, donc ton projet de maison d'édition ? Oui, bien sûr. Alors, Edifice, c'est une maison d'édition normande. Donc, elle a été créée au Havre. Elle est toujours en création. Et elle est spécialisée dans la bande dessinée et elle a pour originalité d'être participative. Donc les lecteurs, ils sont vraiment acteurs dans la maison, ils sont actifs. Et je peux vous parler un peu de la ligne éditoriale. Donc ce sera des bandes dessinées et des romans graphiques qui seront publiés par la maison. Et ce sera surtout de la fiction adulte. Alors au niveau des genres, on reste assez large parce que le participatif le veut. Ce sera entre de l'aventure, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, il y aura un petit peu de tout. Mais les lecteurs auront le dernier mot sur la ligne éditoriale. Évidemment, il y aura une présélection au niveau éditorial pour proposer aux lecteurs les projets BD auxquels je crois. Et le but aussi chez Edifice, du moins pour le début de l'aventure, c'est de donner de la visibilité aux auteurs et illustrateurs de ma région, donc la Normandie. Et ensuite, on restera toujours en France, mais on élargira certainement les horizons. Et du coup, comment t'en es venu à monter cette structure-là ? C'était quoi ton parcours qui t'a amené à monter Edifice ? Alors, concernant mon parcours, après un baccalauréat littéraire et une prépa hippocaine, j'ai décidé de me diriger vers l'édition. Donc, à l'université de Rennes 2, j'ai trouvé le parcours métier des bibliothèques et de l'édition. Et j'y suis entrée en licence 2 et j'ai aussi suivi une licence d'italien à côté. Et là-bas, ça a été vraiment le coup de foudre avec l'édition. J'ai fait un stage passionnant aux éditions Ouest France. Pendant ce stage-là, j'ai découvert les dessous de l'édition, donc, que je ne connaissais vraiment pas. Je suis arrivée en parcours métier des bibliothèques et de l'édition sans savoir vraiment ce que c'était l'édition. Et donc, c'est grâce à ce stage que j'ai découvert un peu tous les rouages de l'édition. Et je pense aussi que tous les stages que j'ai faits m'ont vraiment beaucoup apporté. J'ai fait un autre stage dans une maison d'édition BD, à Rouen cette fois-ci, donc plutôt vers chez moi. Et c'est pareil, en fait, j'ai eu une formation grâce à ces stages-là, vraiment de l'intérieur, avec des personnes... qui sont passionnés par l'édition. Donc, voilà, c'est ce qui m'a permis de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et sinon, dès mon entrée dans le parcours métier des bibliothèques et de l'édition, j'ai eu la petite envie de monter ma propre maison d'édition un jour. C'était un peu comme un rêve, un aboutissement après des études d'édition. Et je pensais que je devais attendre d'être diplômée en fait, pour pouvoir monter mon entreprise. Et finalement, cette année, je suis entrée dans un master pro édition, donc qui se situe à Cergy, à côté de Paris. Et ce master pro, donc il est en alternance, et j'ai découvert des profils hyper différents, dont certains qui avaient déjà monté leur entreprise par le passé, alors pas forcément dans l'édition, mais il y avait beaucoup de profils assez professionnels déjà. Et je me suis dit que c'était le moment aussi pour moi, et qu'en plus j'avais une sorte de filet de sécurité, étant donné que je suis encore en études, si jamais... ça marche pas comme je le veux, et j'aurai toujours mon diplôme à finir et pourquoi pas ensuite un CDI, même si je crois très fort en Edifice et je sais que ça va marcher. Et du coup, à côté de ce master pro, il me semble que tu as bénéficié d'une structure d'accompagnement spécifique pour monter donc Edifice, cette entreprise. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous dire ce que ça a apporté à ton projet ? Oui, bien sûr. J'y suis allée en fait sur les conseils d'un ami dans une structure qui s'appelle le Labo. C'est un dispositif mis en place par la mission locale au Havre pour aider justement les jeunes entrepreneurs. Je crois que c'est de 18 à 25 ans. Et donc j'y suis allée et en fait cette structure accompagne les jeunes entrepreneurs en leur proposant un parcours de création d'entreprise qui dure environ un mois et demi. Et moi dans ma situation, c'était pas forcément possible pour moi d'être un mois et demi en permanence sur site. Et donc, je suis plutôt accompagnée de manière plus ponctuelle avec une conseillère qui m'a aidée notamment pour le business model, l'étude de marché, des choses un peu complètement inconnues quand on arrive dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et ça nous aide vraiment, enfin cette structure-là nous aide vraiment à y voir plus clair. Et j'ai trouvé que l'accompagnement était vraiment un plus parce que quand on entreprend, c'est facile de se retrouver un peu tout seul et de pas savoir par où commencer, quoi faire. Donc voilà, c'était ça vraiment le plus que m'a apporté le labo et qui continue de me l'apporter. Et il y a aussi le fait que j'ai intégré le collectif du réseau, qui est donc un collectif de jeunes entrepreneurs créé aussi par le labo, enfin par des jeunes entrepreneurs du labo. On se réunit une fois par mois pour discuter d'un thème en particulier avec la présence d'un intervenant donc professionnel qui a entrepris lui dans sa vie. Et c'est vraiment des moments hyper conviviaux et riches parce que c'est des moments d'échange et de partage autour de la création d'entreprise. C'est vraiment hyper intéressant. On se retrouve finalement tous autour des mêmes problématiques. Jusque-là, on a interviewé essentiellement des maisons qui se sont montées en collectif avec plusieurs personnes. Tu es la première personne qu'on voit qui est a priori toute seule. Donc déjà, est-ce que tu es bien toute seule? Et si oui, comment tu gères ça par rapport à d'autres gens autour de toi qui peuvent le faire en équipe? Oui, alors c'était pas forcément une volonté d'être toute seule. Et oui, je le suis. En fait, comme je vous l'ai dit, cette petite idée, elle est arrivée un petit peu vite dans mes études et j'ai pas forcément rencontré la personne avec qui j'avais envie de m'associer totalement, ou alors j'ai rencontré et finalement le projet ne plaisait pas forcément à cette personne-là. On n'était pas forcément en accord sur tout. Donc au lieu d'attendre et de me dire quand est-ce que je rencontrerai la personne en question, je me suis dit bon, j'y vais et puis peut-être que les associations se feront par la suite. Et sinon, comment je gère ça au quotidien? C'est beaucoup d'organisation. c'est un peu compliqué, mais bon, avec un peu d'organisation, ça va, j'arrive à m'en sortir. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur la forme participative que tu as choisie pour ta maison d'édition? Donc, comment ce côté participatif, tu l'envisageais au départ? Comment ça a évolué avec le temps? Est-ce que ça a une forme encore différente que ce que tu avais commencé à faire? Voilà. Et c'est quoi tes critères de participatif? Parce que c'est pas courant de voir justement ce côté hyper participatif en édition, à part un ou deux projets. C'est pas aussi souvent que ça quand même qu'on implique les lecteurs et les lectrices dans les projets. C'est super, c'est la partie que je préfère, donc je vais vous en parler avec grand plaisir. Donc oui, Edifice, c'est une maison dite participative et les lecteurs sont, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vraiment acteurs de la maison. Pour vous expliquer un petit peu plus concrètement sur le site internet, donc le futur site internet, les lecteurs auront accès à des projets BD présentés un petit peu comme des campagnes de financement participatif. Si vous connaissez un peu les plateformes comme Ulule par exemple, ce sera un peu présenté comme ça. Et ces projets seront composés en gros d'un début de scénario avec quelques planches, des essais de personnages par exemple ou des petites informations en plus. Et en fait, c'est des projets qui sont présentés tels quels aux maisons d'édition en temps normal. Et donc, nous, on les proposera au lecteur. Et si le lecteur est emballé par le projet, il pourra précommander la BD. Et arriver à 100 précommandes environ, ou un nombre indéfini encore, la BD part en édition et elle est publiée. Et donc oui, le côté participatif a évolué un peu au fil du temps. Au début, je voulais simplement avoir l'avis des lecteurs sur le catalogue et essayer de travailler un peu avec eux. Je trouvais surtout que le lien entre le lecteur et l'éditeur n'était pas forcément assez développé à mon goût dans l'édition traditionnelle. Et ensuite, le côté financement s'est présenté un peu comme une évidence. En plus de permettre presque une production à la demande finalement, ça offre aussi la possibilité aux lecteurs de participer activement à la vie de la BD et de donner vraiment son avis sur des projets et donc la maison d'édition telle qu'elle. Et ce qui est vraiment chouette, c'est aussi que le côté participatif peut s'adapter à beaucoup de choses, par exemple pour le nom Edifice. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les lecteurs. Tout s'est passé sur les réseaux sociaux avec des propositions et des votes. Et puis voilà, on a fini par conclure sur Edifice. Du coup, les propositions de BD sont mises sur le site internet. Et est-ce que elles restent là indéfiniment? Parce que du coup, si les gens précommandent, c'est qu'ils mettent cet argent-là quelque part en lice jusqu'à ce qu'un certain chiffre soit attendu. Ou est-ce qu'il y a une date de péremption, pour le dire un peu vulgairement, à partir de laquelle les gens seront remboursés? Oui, oui, oui, il y a une date de péremption. Alors, le temps n'est pas encore vraiment défini non plus, parce que évidemment, je ne sais pas comment est-ce que les lecteurs vont réagir une fois le site lancé. Mais effectivement, on ne va pas pouvoir laisser des projets qui, entre guillemets, ne fonctionnent pas. Donc, c'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas sur Edifice qu'ils ne fonctionneraient pas ailleurs. Mais voilà, s'ils ne fonctionnent pas sur Edifice pendant, je ne sais pas, 6 mois, ou je ne sais pas encore, honnêtement, évidemment, il ne va pas rester indéfiniment. Et le lecteur, bien entendu, sera remboursé. Et au niveau de l'auteur, il y a aussi une part importante, c'est que, alors je me suis basée sur un exemple que je connais d'une maison d'édition qui fonctionne à peu près pareil, et en fait, elle laisse, si 60% de la campagne est atteinte, la BD est quand même éditée au nombre de... Elle est publiée au nombre de précommandes qu'il y avait eu. Et donc, les lecteurs reçoivent leur BD. L'auteur est payé, évidemment, à hauteur du contrat qu'il avait prévu. Et il n'y a pas de suite à la BD, évidemment. Mais si ce pourcentage-là n'est pas atteint, et ben, l'auteur est indemnisé d'une autre façon. Il y a forcément un côté légal, puisque la BD est mise en ligne, enfin le projet est mis en ligne pendant un certain temps. Donc évidemment, il faut rémunérer l'auteur qui, pendant ce temps-là, ne donne pas ses droits à d'autres maisons. Est-ce que tu as soumis ce projet-là à des auteurs, justement, ou des illustrateurs, illustratrices est-ce que tu as eu des retours sur cette forme participative? Oui. Alors oui, je suis obligée de démarcher des auteurs un peu tout le temps, mais en fait, je le fais depuis le début. J'ai commencé en décembre à peu près à me lancer vraiment corps et âme dans ce projet. Et donc, depuis décembre, je cherche des auteurs, donc je démarche, je fais de la prospection d'auteurs. Et donc, j'ai déjà présenté, oui, ce projet à plusieurs auteurs. En général, la réponse, c'est que c'est un projet assez innovant, donc c'est cool, ça les intéresse. Et puis, il y a aussi un peu de... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, pour l'instant, j'attends de voir. Mais j'ai déjà reçu des projets BD et de personnes qui me disaient, des auteurs qui me disaient que le fonctionnement les intéressait vraiment parce qu'on avait un lien encore plus fort avec le lecteur. Et en général, c'est des auteurs qui ont déjà une petite communauté et qui savent, entre guillemets, que ça peut fonctionner. Voilà un peu pour les retours. En parlant de lien avec les lecteurs, il y a un aspect aussi qui m'apparaît, c'est que je ne sais pas si tu as eu des surprises vis-à-vis de cette dimension participative. Tu as déjà un peu mobilisé ta communauté pour prendre des décisions vis-à-vis de ta structure, ne serait-ce que le nom. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, des décisions que tu n'aurais pas prises, voire sur lesquelles spontanément tu ne serais pas du tout allé vers là, mais tu t'es dit bah, c'est le deal, c'est le compromis avec le lectorat? Bah, typiquement, pour le nom, je pense que j'aurais pas pu choisir seule, et ça m'a surpris ce choix-là final, parce que les autres noms me plaisaient aussi et je ne savais pas trop comment départager moi si j'avais été toute seule. Mais à part ça, je vois pas trop encore ce qui aurait pu me surprendre vraiment. Ce qui m'a surpris, je pense, c'est l'engouement qu'il y a eu dès le départ. Ça monte doucement, mais sûrement au niveau des abonnements. Et à chaque fois, j'ai des retours de personnes qui me disent « Mais c'est super ce projet, je trouve ça trop cool, on est vraiment impliqués, etc. » Donc ça me fait super plaisir. Et oui, ça me surprend un peu de ce côté-là, mais en même temps, c'est ce que j'attendais aussi, donc voilà. Et du coup, sur ce côté participatif, donc pour l'instant, c'est est-ce qu'un projet BD voit le jour ou pas? Est-ce que tu penses solliciter la communauté sur d'autres aspects éditoriaux, comme, je sais pas, quel type de papier, le format, finalement, ça peut être un format BD classique ou un format comics, ou qu'est-ce que ça... Là, j'ai pas d'autres idées en soi. Couleur ou noir et blanc, par exemple? Oui, oui. Alors, sur le côté éditorial, oui, je compte quand même garder cet aspect participatif jusqu'au bout. Et par exemple, le choix de la couverture pourrait donc être inclus dans ce côté participatif. parce que les auteurs sont souvent indécis sur... en fait, ils ont souvent plusieurs idées de couverture. Et donc, pourquoi pas proposer, je ne sais pas, trois idées et ensuite les lecteurs choisissent. Bon, évidemment, il faut que l'auteur soit d'accord parce que tous les auteurs ne vont pas vouloir que les lecteurs choisissent leur couverture et je comprends totalement. Mais ça pourrait être une bonne idée, oui, d'impliquer encore plus les lecteurs dans ce côté participatif. Sinon, au niveau du format, je suis pas encore arrêtée sur cette idée-là, évidemment, mais quand on reçoit des projets BD, les auteurs ont souvent déjà adapté leur BD à un format en particulier qu'ils affectionnent ou, je sais pas, par exemple, il y a un format un peu en vogue en ce moment, le roman graphique, ça marche bien, c'est des plus petits formats avec un peu plus de pages. Et ça marche bien. Et oui, j'ai reçu pas mal de projets comme ça. Donc, je ne pense pas que les auteurs aient envie d'adapter à un autre format ensuite. Tu évoquais tout à l'heure l'accompagnement que tu as eu d'un point de vue économique, administratif. Et ça se relaie directement à une question qui est aussi quelque part liée à cette forme participative, qui est celle des statuts. Quel choix de statut d'entreprise tu as choisi de poser pour Edifice ? Et est-ce que tu as intégré, comme ça peut être le cas dans un projet de coopératif par exemple, ta dimension participative à tes statuts d'entreprise? Cette question est très difficile parce que les statuts, ça a été vraiment un point bloquant pour moi. Alors, j'avais pensé à l'associatif, j'avais pensé à plusieurs statuts un peu différents. Et finalement, j'en suis venue à la conclusion qu'un statut de société normal, je sais pas trop comment le qualifier, mais classique, voilà, serait un peu le plus simple pour moi, sachant que je suis toute seule. Donc, c'est pareil au niveau des associations, c'est pas la même chose quand on est tout seul. Et puis, avec les conseils donc, du labo et des personnes qui interviennent au labo, donc des intervenants professionnels, également, eux m'ont dit qu'un statut type SASU serait certainement plus profitable pour moi. Alors, est-ce que tu peux juste développer SASU ? Parce que pour le coup, on avait eu SAS, SARL et compagnie. Celle-ci, on ne l'avait pas encore rencontrée comme forme, en fait, pour être honnête. Alors, c'est Société à Action Simplifiée Unipersonnelle. Donc, c'est juste parce que moi, je suis toute seule. Et donc, je ne peux pas faire une SAS parce que c'est à plusieurs personnes, c'est tout. Donc, c'est la seule différence. Et il y a quelque chose comme, je crois qu'on est considéré comme salarié de son entreprise. Donc voilà, c'est quand même important. Ça, c'est vraiment bien. Oui, oui parce que du coup, les charges sont quand même comptées, il y a des cotisations, et donc voilà. Sauf le chômage. Ouais, là, pas le chômage, mais si tu as au moins la retraite, les arrêts maladie... C'est pas négligeable. Non, mais de toute façon, sur les statuts, il faut vraiment peser le pour et le contre parce qu'il y en a tellement et ils sont tellement compliqués à comprendre. D'ailleurs, instant pub, on a fait un épisode sur les statuts juridiques. On n'a pas creusé tous les statuts qui existent. Par contre, on y fait état de nos longues tergiversations sur les différents statuts pour l'édition en général et nous, notre choix de finalement d'aller en asso dans un premier temps. Oui, c'est une bonne chose de commencer par une asso, c'est sûr. Nous, on est deux déjà de base, donc c'est je veux dire, voilà, ça aide. Oui, c'est sûr. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Pour la finir, est-ce que tu aurais un ou des conseils à quelqu'un qui, comme toi, voudrait se lancer et fonder sa propre maison d'édition ? Oui, bah alors si je peux en donner plusieurs, c'est plus simple. En premier, je pense que je pense à la communication, à l'accompagnement et enfin au travail sur le projet, c'est-à-dire vraiment cadrer ce qu'on a envie de faire. Déjà, pour commencer sur la communication, je pense que... Bah après, ça, c'est vraiment... c'est plutôt pour mon cas où j'ai besoin d'une communauté assez active parce que les lecteurs sont sans cesse impliqués dans les choix. J'ai lancé la communication super tôt, bien avant la création de la maison, de l'entreprise, parce que, justement, j'ai besoin de cette implication et de ce côté actif des abonnés, donc. Donc oui, la communication, je pense qu'il faut faire un travail assez important dessus parce que finalement, c'est le client fini. Donc c'est la personne qui va avoir l'objet à la fin. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça. Ensuite, sur l'accompagnement et sur le réseau, je conseille, je pense, d'essayer de parler de son projet un peu partout, de sauter sur toutes les occasions pour pouvoir parler de son projet, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui connaîtra quelqu'un, qui connaîtra quelqu'un, qui pourra vous être utile pour votre projet et qui pourra apporter quelque chose de plus et de positif. Et puis, je vous ai parlé du travail sur le projet dans mes conseils. Avant de se lancer, je pense qu'il faut vraiment travailler son idée. Et si on a une idée de base qui n'est pas encore vraiment travaillée, l'accompagnement peut être une solution, parce qu'avoir des avis extérieurs sur votre projet, ce sera forcément bénéfique. Et ça vous permettra au fur et à mesure d'établir un projet un petit peu plus concret. Et même l'accompagnement rend le projet concret. Donc, c'est vraiment le passage obligé pour moi. Merci beaucoup pour nous avoir présenté donc tu as ta maison d'édition qui s'appelle Édifice, qui est une maison d'édition participative qui se concentre sur la BD, située en Normandie, qui veut promouvoir dans un premier temps auteurs autrices normands et peut-être après un peu plus largement au niveau français. On te retrouve sur Facebook, Instagram. Oui, Twitter, TikTok, LinkedIn, vraiment tous les réseaux sociaux, j'y suis. Hein. TikTok aussi, oui. Ah, pour la maison d'édition, on est des vieux, Fanny. Non, c'est juste que j'ai pas mal fait des recherches et TikTok, moi, je l'avais exclu dans les réseaux de communication parce que je trouvais ça pas forcément pertinent. Je voyais vraiment difficilement ce qu'on pouvait y présenter pour la maison d'édition. Donc, est-ce que tu peux juste... C'est encore une question dans la question, mais... Tu fais quoi comme post sur TikTok pour communiquer ? Alors moi déjà, sur les réseaux sociaux, en tant que telle, je parle surtout de la création de la maison pour le moment. Donc sur TikTok, il y a quand même une niche « small business » entre guillemets qui fonctionne assez bien. Et donc je m'adresse aux clients, aux personnes qui ont des small business et je dis un peu où est-ce que j'en suis dans le projet. Après, ça peut être... TikTok, c'est quand même hyper varié. Donc, les vidéos peuvent être sur des livres que j'ai reçus. Par exemple, j'ai commandé un livre d'une autrice qui est TikTokeuse. Donc, ça fait du contenu. J'ai parlé donc du projet en lui-même, qu'est-ce que c'est. Et puis, il y a quand même pas mal de retombées sur TikTok. Ça, c'est assez étonnant des fois. Les vidéos peuvent fonctionner d'un coup. Ça fait du buzz. Donc, c'est pas mal TikTok. Ah, c'est chouette. Bah, écoute, merci, parce que tu vois, c'est un aspect, j'avais un peu cherché, maison d'édition, TikTok, je trouvais pas grand-chose. Donc comme quoi, si, il y en a, j'ai mal cherché parce que je t'ai pas trouvé. Il y en a, mais c'est vrai qu'elle s'adresse à des niches, donc c'est un peu... Faut chercher. Ouais, donc toi, tu penses que ça fonctionne parce que justement, t'as ce phénomène de communauté qu'il faut, avec qui tu dialogues. Oui. Parfait. Bon, écoute, pour les auditeurs et auditrices, n'hésitez pas du coup à aller suivre la maison d'édition Édifice sur tous ses réseaux. Donc, je le répète, c'était Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube aussi. Voilà, donc en fait, cherchez Édifice maison d'édition et vous pouvez tous les suivre. Je suis sûre qu'il y a, voilà, sur votre moteur de recherche. Et donc, toi, Julie, merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview et de nous avoir, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était super. Merci à toi. À bientôt.